Ouais, ouais. Arrêtez de faire les fans. On est tous des artistes sur ce fils de putain de sa mère de macadam. On a tous une vie sur laquelle on pourrait faire un film. Et ramasser des milliards de centimes. Numéro 1, autopalpable n'a rien changé à ma vie. J'passe toujours de sale nuit à nettoyer mon mal dans le cas, j'ai trop d'ennuis. Le droit chemin me fuit, le star système m'ennuie. Numéro 1, dis-moi qui est numéro 1. Ma bite, ouais, refrain, même bien, on est en chien, ça craint. J'ai investi dans le rap pour devenir honnête. Mais la vie que je mène peut pas me le permettre. En fait, maintenant que je commence à bien me mettre, à essayer d'être honnête, d'arrêter de vendre et paraître ta bête. Sur moi, raconte des sorts honnêtes. Or que dans leur cul, j'aurais pu transporter des plaquettes. C'est bête, dans le rap, y'a trop de suceurs de bite. Pourtant, à la base, on est tous illicites. La réussite, c'est de faire de l'argent. Malheureusement, avec ou sans, ça change pas le regard de ces gens qui nous condamnent pour un rien. La rue est numéro 1, B à tous les terrains. On est tous des terriens, j'ai rien de plus qu'un autre. J'suis juste un galérien, dealer sur la place haute. Mon pote, certains aimeraient que je saute, que je me casse les côtes. J'lève mon verre à la vôtre, à la vôtre. Vous les grosses putes qui me jalousent, cause un deck à bas, perds ton fut. En fait, on est tous number one, alors arrête de me sucer. T'sais, ça me fait mal au crâne. Moi, je m'en bats les couilles du succès, tant que ma famille d'âme. Regarde-moi, mon adolescence, je l'ai passé dans la haram. Je crame le son pour représenter, planter le drapeau de la chaîne. Même si je suis pété, trop aime guetter l'assiette du voisin. On a tous pris le mauvais chemin. Faut redescendre sur terre, personne est au-dessus de personne, demande à Kader. On a tous connu les mêmes galères, donc je lève ma main pour mes frères qu'on incarcère. Numéro 1, autopalpable n'a rien changé à ma vie. J'passe toujours de sale nuit à nettoyer mon mal dans le cas, j'ai trop d'ennuis. Le droit chemin me fuit, le star système m'ennuie. Numéro 1, dis-moi qui est numéro 1. Ma bite, ouais, refrain, même bien, on est en chien, ça craint. J'ai investi dans le rap pour devenir honnête. Mais la vie que je mène peut pas me le permettre. Je comprends pas, ici-bas, on prend pour une idole. Moi qui à l'école, sniffé de la colle comme un gogol, j'en rigole. Moi qui baignais dans le vol, dans les embrouilles les plus folles. Je suis qu'un grouille qui veut le pactole. J'ai pas d'auréole, mais beaucoup de principes. Je suis loin d'être un prototype, je suis ce type qui a pas perdu son slip. Et si tu rien ne sert de faire le faux. Trop de rappeurs nous font défaut à se comporter comme des nymphos. Pour info, je suis qu'un frère de la rue, boy. Anti-cowboy, calibré comme Castor Troy. Et si je te deuil, c'est que tu l'as mérité. Moi je rappe pour ma cité, pas pour être félicité. En vérité, ça fait plaisir de vendre tes disques. Mais plus t'en vends, plus t'as des blèmes avec le fisc. J'ai pris des risques à cause de l'argent sale. Les stupes me pissent à force, je trouve ça banal. Est-ce normal que dans ce bled, ils veulent pas de nous? C'est que le président est un voyou. Aïchou, je suis pas un zoulou. Je suis comme ce frère qui vante la coke, j'ai Régine ou Michou. J'avoue qu'en vrai, j'aime personne. Car dans ce milieu de PD, des traîtres, y'en a des tonnes. Je veux des chiffres, pas des lettres, ouais. Garde tes consonnes, je suis pas un maître, juste un mec talent de coin. DJ Maze, c'est tous illicite. Arrêtez de sucer des bites. Numéro 1, autopalpable n'a rien changé à ma vie. À nettoyer mon mal dans le cas, j'ai trop d'ennuis. Le droit chemin me fuit, le star système m'ennuie. Numéro 1, dis-moi qui est numéro 1. Ma bite, ouais, refrain, même bien, on est en chien, ça craint. J'ai investi dans le rap pour devenir honnête. Mais la vie que je mène peut pas me le permettre.